Guillermo. Ça va, amigos? Oui, bien. Et toi? L'autre jour, j'étais chez moi, j'étais en train de discuter avec personne. Ma vie sociale en ce moment, c'est comment vous dire? J'ai fait la galette des rois, il n'y a pas eu de suspense, hein. J'ai gagné. Du coup, quand je reçois un WhatsApp le soir, c'est un petit événement, je suis tout excité. Tu vois, avant de l'ouvrir et tout, je fais des étirements, je trottine, je fais un feu de forêt. J'ai mon petit rituel et tout. Et donc, mardi soir, je reçois un WhatsApp. Je suis comme un fou, je me dis peut-être ça va être quelqu'un que j'aime bien. Et là, je vois que c'est Nagui. Je me dis, bon, tant pis. Tant pis, hein. Mais non, mais limite, je préfère encore que ce soit lui plutôt que les impôts ou qu'on m'appelle pour dire que je suis un cas contact, tu vois. Donc, et j'ouvre le message et c'est une photo d'une dame qui se fait vacciner. Avec le commentaire suivant, je cite, si le vaccin se prenait en suppositoire, qu'aurions-nous comme image aux infos? Et direct, je me dis, ça c'est une vanne. Ouais. Ça c'est une vanne. Ouais, moi je suis un professionnel. Mais t'as pas le droit. Non, mais faut dire ça. Des vannes, des vannes. J'en ai vu défiler dans ma vie. T'as pas le droit, Guillermo. Quand j'étais petit, j'étais fan de la classe et j'avais un poster El Chapeau et tout. Donc ça, je me dis, El Château, ça c'est une vanne. Pour moi, ça c'est une vanne. Du coup, je remercie Nagui. Allez. C'était pas genre marrant ou quoi, mais franchement, c'était le meilleur moment de ma soirée. À ce moment-là, j'étais en train de regarder Joséphine en gardien, doublé en turc. Franchement, j'avais jamais vu en turc. Tu sais quoi, ça donnait un charme. Ben, bref, je remercie Nagui. Je lui ai écrit, tu sais quoi, ton histoire suppositoire, c'était pas une grande vanne, mais ça me ferait une bonne intro. Voilà, juste qu'il faut de longueur, en plus 13 minutes. Donc ça, vraiment, c'est une bonne vanne de suppositoire, une bonne intro. D'autant plus que ce matin, je comptais justement parler de... vaccination. Ouais. Et le set d'or de l'originalité est attribué à Ernesto. Ernesto, fils d'une dinde et d'un marron, qui nous a enchanté avec sa chronique intitulée « Dis donc, elle serait pas un peu lente la vaccination en France ? Un regard décalé sur l'actualité. » Je voulais vous parler de ça parce que j'ai dit pour augmenter la cadence, les pharmaciens, ils se disaient prêts à vacciner aussi. Bah franchement, moi aussi, je suis prêt à vacciner les gens. J'ai vu les images, ça a pas l'air compliqué hein, à faire médicalement parlant. Je veux dire, tu me dirais Ernesto, vas-y greffe un rein. Il y a des chances que je me trompe d'organe. Franchement, avec la place du rein, je me mets des ligaments croisés. Mais vraiment, c'est chaud la médecine. Tu me dirais pose un cathéter, vide une sonde, freine une ménopause. Tu vois, j'ai pas le bagage technique. Freine une ménopause. Mais vacciner. Franchement, tu pinces la peau, tu piques. Faut même pas trouver une veine. J'en parlais avec Leïla. Qui me disait les yeux bandés, je te le fais. Nous, les toxicomanes, on pourrait aider aussi. Leïla, il y a des dossiers ici. Il balance tout, lui. Elle est pas dans les 200 personnalités de la culture qui veulent se faire vacciner parce qu'elle a déjà testé le vaccin et tout, son dealer il a eu en primeur. Elle m'a fait, j'ai testé le cocktail héroïne vaccin Covid, ça vaut pas héroïne variole, mais franchement il y a un truc. Ça marche. En tout cas, moi je veux bien donner un coup de main. En plus, vaccinateur c'est un métier d'avenir apparemment. L'OMS a dit qu'on devrait se préparer à d'autres pandémies plus graves encore. Parenthèse, ça qui est bien que l'OMS, toujours le petit mot pour donner un patacard. Ils sont dit, les gens sont un peu trop euphoriques en ce moment, on va leur donner un. Tu vois vraiment. Non mais bon, professionnellement, vaccinateur, ça se tente comme reconversion. Je serais certainement plus utile à vacciner les gens qu'ici avec mes chroniques. Hein. Là, ça fait 2 minutes 30 que j'ai démarré mon texte. Je crois qu'il y a un auditeur qui se fait oh, enfin quelqu'un qui nous parle du Covid. Enfin. Sérieux, la dernière fois que j'ai trouvé un angle original ici, c'était Calogero était encore dans The Charts. Il avait des cheveux jusqu'au huc. Pour monter en apesanteur, il prenait des escaliers à l'époque. Sérieux, en plus, il y a un moment de ma vie où je crois que je faisais du stand-up à un moment de ma vie. Moi, j'ai un nouveau spectacle. Honnêtement, j'ai oublié de quoi ça parle. Je sais plus quoi. J'ai voulu rouvrir le texte dans mon ordi. C'est encore une ancienne version de Word. On sait pas quand on pourra jouer. J'ai des dates. Je crois que ça fait 60 fois qu'on les reporte. Ma tourneuse a démissionné. Elle est devenue profileuse au FBI. Vraiment. Et je sais que cette blague a pas des masses de sens. Mais ça, ce n'est bien à l'écrit. Et de toute façon, c'est peut-être l'une des dernières que je fais avant de devenir vaccinateur. Allez, bonne émission. Les gars. Merci.